Lettre 99e, Constantin à Agathoclès, Byzance, mars 305. Tout est décidé, Dioclétien dépose la pourpre. Personne ne sait ce qui a pu l'engager à exécuter si promptement un plan dont sa mauvaise santé lui avait donné l'idée, mais que la moindre lueur de mieux lui faisait renvoyer. Galerius a de longs et fréquents entretiens avec lui, et sans doute il a su hâter cet événement désiré. La curiosité, la crainte, l'espérance attirent ici beaucoup d'étrangers. Le roi d'Arménie est arrivé depuis quelques jours avec sa Calpurnie qui vient de lui donner un héritier. Je te préviens que s'il restait au fond de ton cœur la moindre étincelle d'un ancien attachement, tu dois t'armer de tout courage. Elle est plus belle encore sous son riche costume oriental qui la rend éblouissante. Elle a eu l'art de fixer le volage Tiridate, qui en paraît toujours plus enchanté. Mais il ne voit pas sans des craintes bien fondées l'événement qui se prépare. Que peut-on espérer de la faveur d'un homme tel que Galerius, qui est capable de sacrifier à ses intérêts ou à ses passions non seulement le bonheur d'un allié, mais celui de tout un empire? Je vais prendre mes précautions. Ton amitié fraternelle m'en impose le devoir. Je suivrai tes conseils, et je puis te dire que tous mes arrangements sont pris. Du moment où Dioclétien descend du trône et en remet les rênes à Galerius, Nicomédie n'est plus pour moi un asile assuré. Mais je t'en prie, ne tarde pas à venir. Il faut que tu sois présent à ce jour mémorable. Tu resteras ici pour surveiller mes intérêts si ma sûreté personnelle exige que je quitte le voisinage de Galerius. Les lettres incluses contiennent toutes les mesures que tu auras à prendre pour moi sur ta route pour te rendre ici. Je suivrai la même pour aller en Bretagne auprès de mon père qui m'en sollicite et qui m'a préparé des affaires importantes. Je te conjure donc d'accélérer autant que possible ton départ de l'Oréacum pour venir à Nicomédie avec Théophanie et ton enfant. Il me tarde de te revoir. Adieu,